Vous écoutez News FM. News FM. Nouvelle heure. Il est 18h. Et 18h, c'est exact, le top horaire ne se trompe jamais sur News FM. On est de retour et on est en compagnie de Coco et de Lolo, les créatrices du guide Grenoble Foodie et influenceuses Instagram qui sont de retour pour leur chronique. Et coucou! Bonjour tout le monde! Comment ça va? Eh ben bien, en déconfinement comme tout le monde. Hein. Ça y est, c'est le grand retour de la chronique. On est contente, on dirait que ça fait 6 mois qu'on n'est pas venu ici. Mais ça fait longtemps, ouais, hein, en vrai, que le temps est long tout seul en studio. Ça me fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui. Bon, t'as manqué, j'espère. Ouais, un petit peu quand même, c'est vrai, j'avoue. Ouais, c'est pas ce que tu disais avant. Hein. Ouais, mais alors à l'antenne, il faut quand même dire, faut être gentil. Bon, on est de retour pour la deuxième chronique. Expliquez-nous un petit peu aujourd'hui de quoi on va parler. Eh bien déjà, je vais nous représenter. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Avant tout, peut-être une nouvelle représentation. Alors, on est Coco et Lolo. Donc, on a chacune nos comptes perso sur Instagram. Coralie Rodriguez et Lolo avec 4L. Et on a créé toutes les deux Grenoble Foodie. Exactement. Grenoble Foodie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un compte où on partage tous nos bons plans food. On mange. Et on fait gagner plein de cadeaux à tous nos abonnés. Et d'ailleurs, ce soir, je leur fais un immense merci, des coucous. On a reçu plein de messages et on est de plus en plus nombreux sur Insta, donc merci à tous. Merci. C'est vrai. C'est vrai que ça commence à bien monter quand même. C'est vrai. Une ampleur. C'est génial. Les gens sont adorables. Oui. Les gens sont adorables. Heureusement. Ça nous encourage à continuer. Bah heureusement, t'imagines si en plus ils étaient méchants. Bah oui. Bon alors. C'est qu'ils n'aiment pas la bouffe. Hein, oui, c'est vrai. En l'occurrence, pas grand monde. Hein. Bah, quoi qu'après, il y en a quand même qui mangent par nécessité. Hein. Moi, j'en connais. Ah oui. Ouais, qui mangent parce qu'il faut manger. Quoi. C'est l'heure du repas, on va manger et puis voilà. Ouais, il y a le goûter, il y a le petit déj, il y a le smoothie. Le smoothie, exactement, mais ça on en reparlera. Bon, le déconfinement du coup, en pleine période, comment ça s'est passé vous le confinement? Eh ben écoute, moi qui avais l'habitude d'aller au resto tous les jours et de devoir rester enfermée, ça a été compliqué. J'ai essayé de faire des gâteaux, c'était pas très bon. Et heureusement j'ai pu me faire livrer rapidement, donc c'était cool. C'est vrai, il y avait toujours les services de livraison. Et toi? Et moi du coup j'ai été à Bali. J'étais bloquée à Bali. C'est vrai. Donc pendant 2 semaines et demie, j'ai pu être rapatriée avec les avions français. Et donc après, j'étais en isolement toute seule. Bon, c'était un peu compliqué, mais là, tout revient entre guillemets un peu à la normale. On peut ressortir, voir les potes, aller à la radio, ça fait du bien. Ouais, on peut encore... Enfin, ça y est, on peut refaire un petit peu quelques activités. Quelques petites routines, ouais. Il y a encore malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas faire, mais c'est normal. Ça va revenir petit à petit. Il faut rester prudent parce que... Le virus est encore là, donc faire attention. Exactement. Et ben moi, raconte-nous. Alors moi, je pense que j'j'ai fini Netflix. Ah, on est bien d'accord. Moi, j'ai découvert Netflix et j'ai fini Netflix. Je crois que j'ai fini Netflix. Alors bon, le confinement a pas duré longtemps pour moi, donc j'ai passé la période d'incubation des 15 jours, comme la plupart des gens. Ensuite, je suis revenu divertir les gens ici, en studio. Mais je peux dire que quand même, en 15 jours, j'ai vu pas mal de choses. Hein. Je pense qu'on pourra faire une chronique la prochaine fois sur que regarder sur Netflix. C'est ça. On a une top liste 50. Mais je pense qu'on peut en faire une tous les jours de chronique comme ça. Je te jure que j'en fais une tous les jours, moi. Et je parle pendant 3 heures que de Netflix. Hein. Vraiment, je peux ne pas m'arrêter. La prochaine, on va l'inclure. Ouais. On est d'accord, on pense à ça la prochaine. Avec plaisir. Fois. On parlera food et séries. Ok, ça marche. En plus, est-ce que ça va pas trop bien ensemble? Bah, le livraison devant Netflix. Franchement, je pense que ça peut être quelque chose de parfait, une alliance parfaite. On le note alors. C'est noté. Bon allez, on va revenir à notre sujet principal. Racontez-nous un petit peu de quoi on va parler ce soir. Alors du coup, on va revenir sur quelque chose quand même de beaucoup plus sérieux. C'est vrai que sur Grenoble Foodie, on parle souvent des commerçants qu'on adore. Et depuis le 15 mars, ils ont vécu quelque chose de compliqué. Donc, on est allé chercher des témoignages de 2 commerçants. Donc, on va écouter le premier. C'est Nicolas, le gérant de la pharmacie Championnée, qui donc lui a dû faire face à une ouverture de pharmacie et aux clients peut-être apeurés, etc. Donc, il nous fait part de son ressenti. On l'écoute. Eh bien, c'est parti. On s'écoute ça sur News FM. On revient juste après. Bonjour. Alors, comment s'est passé le confinement pour nous, pharmaciens, qui sommes restés ouverts pendant cette période? Alors, ça a été le pré-confinement, surtout, il faut en parler, ça a été comme une ruée vers l'or, un petit peu. C'est-à-dire qu'on a été dépassé par les événements avec tous nos patients, tous nos clients qui sont venus en masse par peur de devoir rester coincé chez eux et de ne pas pouvoir se déplacer. C'était vraiment dans l'incertitude, hein, les choses allaient crescendo. Il y avait comme de la surenchère qui se faisait tous les jours. Donc les gens sont venus avant de rester coincés chez eux. Et puis ensuite, on a eu une chute brutale, mais alors vraiment brutale, de l'activité, qui a été à peu près la même pour toutes les pharmacies et puis pour toutes les professions médicales, en dehors bien sûr du secteur hospitalier. Donc pour nous, on a été quand même très surpris. C'est comme si vous pédalez sur un vélo et que vous avez l'impression que vous pédalez dans le vide. Donc on s'est bien sûr adapté, on a mis des mesures de distanciation, on n'a pas laissé rentrer les gens à l'intérieur de la pharmacie. Nous allions les chercher, nous servions avec des masques, nous répétions en permanence les mêmes messages. C'est la méthode Coué, hein, inventée par un pharmacien, on n'a rien inventé à ce moment-là. Et derrière, je remercie quand même fortement mes équipes, comme dans toutes les lieux de santé, où je pense que toutes les équipes dans toutes les pharmacies ont été quand même relativement exemplaires, en sens où il n'y a pas eu de panique. Personne ne s'est mis en retrait par crainte, par peur. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc, on a été par la suite, au bout de 15 jours de confinement au mois de mars, obligé de faire intervenir le chômage partiel afin de pouvoir ajuster le temps travaillé par rapport à la fréquentation de la pharmacie pour nous. Heureusement qu'il y a eu cette mesure, d'ailleurs. Et puis, on a travaillé donc un mois entier, c'est-à-dire le mois d'avril, à un rythme qui était soutenu parce que nous étions beaucoup moins nombreux pour recevoir un peu moins de monde, mais nous étions beaucoup plus multitâches. Voilà. Et après, on s'est installé dans une routine. Hein, l'être humain s'adapte très vite. Et depuis maintenant une quinzaine de jours, donc là, on est le 16-17, depuis le début mai, on a senti quand même que les gens sortaient plus. C'est comme si tout le monde voyait, entre guillemets, le bout du tunnel. Pour nous aussi, ça nous a fait quand même beaucoup plus plaisir. Il y avait un petit peu de relâchement, certes, mais dans l'ensemble, les gens sont restés sérieux. On parlera toujours d'exemples un petit peu catastrophiques que l'on aura pu voir à droite à gauche, mais dans l'ensemble, les Français que nous avons pu voir sont restés quand même très sérieux. Voilà. Après, c'est notre ressenti en tant que pharmacien. Il peut y avoir vraiment d'autres expériences qui ont été vécues, mais voilà. Ça a été un moment assez important, je pense, dans une vie. On le vit qu'une fois. J'espère qu'on le vivra qu'une fois. Voilà, et on n'espère pas le revivre. Donc, à bientôt, à tous. Merci pour cette interview. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage. Du coup, maintenant, on va écouter un nouveau témoignage. Donc, c'est Claire de la Tarteline. Donc, Tarteline, une institution à Grenoble. Et du coup, alors, eux, ils sont restés fermés pendant tout le confinement et ils ont pu réouvrir le lundi 11 mai. Donc, on écoute son témoignage. Pour nous, c'était vraiment très important de réouvrir, lors du déconfinement, la vente à emporter pour reprendre et garder le contact avec nos clients. Avant la réouverture, c'était le flou total. Il a fallu se poser beaucoup de questions et les bonnes questions. Au niveau de la production, produire, mais ne pas trop produire pour ne pas jeter. Mais en même temps, voilà, il faut proposer plusieurs variétés de tartes pour satisfaire les clients qui avaient envie de revenir. Au niveau des horaires et des jours d'ouverture, on a décidé de garder les mêmes jours d'ouverture pour que les gens puissent reprendre un peu leurs habitudes. Au niveau des horaires, on a fait 9h30-15h parce qu'on n'est que 2 employés sur 7 et que c'est que de la vente à emporter. Ça va permettre aux gens qui se baladent le matin, qui vont faire le marché, de récupérer des tartes, que ce soit pour le midi, le goûter ou le soir. Et ça va aussi permettre à tous les gens qui ont recommencé à travailler dans les commerces à proximité et bah, de venir chercher leur déjeuner à la Tarteline. Au niveau de l'hygiène, on a trouvé ça plutôt facile à mettre en place du fait que ce soit que de la vente emportée. En fait, l'espace de travail est réduit. On a mis en place des grands plexis, des plexiglas, voilà, pour nous séparer des clients, les séparer de nous, les empêcher de s'approcher trop près des aliments et de pouvoir les toucher. On a aussi mis à disposition des gels hydroalcooliques, que ce soit à l'extérieur du restaurant ou à l'intérieur. Ça va permettre aux clients de désinfecter les mains plusieurs fois. On en a aussi pour nous, bien sûr, on se désinfecte les mains entre chaque client. On se lave aussi les mains, en fait, très régulièrement. On a pris l'habitude, on a vraiment pris des automatismes. Dès qu'on le peut, on se lave les mains et on nettoie un peu partout. On porte aussi, bien sûr, un masque. car on est en contact avec les aliments, et on ne fait rentrer qu'une seule personne à la fois. Pour cette première semaine, on était vraiment contents de reprendre, de retrouver nos clients, de pouvoir parler avec eux, d'avoir des nouvelles. Les clients étaient aussi très contents, il y en a beaucoup qui nous ont remerciés pour cette réouverture. Maintenant, on attend avec impatience d'avoir des nouvelles pour la réouverture de la salle, même s'il risque d'être dans des conditions un peu particulières. Voilà, on attend vraiment des nouvelles, on a quand même hâte d'en savoir plus. Eh ben, merci beaucoup Claire, et puis on pense fort à tous les commerçants et on les remercie. Et puis je vais vous laisser avec Coco qui va vous présenter notre invité du jour. Et oui, donc aujourd'hui on a un petit invité. Bonjour Jocelyn. Oui, salut les filles. Alors Jocelyn est propriétaire donc du restaurant Le Magic Candy Bar, donc là où ils font des gros burgers et des bons brunchs, et aussi de Nova, où là c'est vraiment plus de l'emporter, du bar à salade. C'est cela, voilà. Donc alors, pour la petite histoire concernant le confinement, donc Nova est ouvert depuis avril, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai rouvert en mode un petit peu tout seul, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on devait aller début avril, mm-hmm. Voilà. Et pour le Magic ? Et pour le Magic, on est toujours fermé, parce qu'on attend toujours quelques instructions qui devraient logiquement tomber demain, si tout se passe bien. Ok, bah du coup, on va y revenir. Donc là, actuellement, tu fais de l'emporter. Donc, tu as mis quoi en place en ce moment ? Alors, bah pour le Magic, on a exclusivement que de la livraison. On a un petit peu de click and collect, mais les gens doivent récupérer leur petit sac à la deuxième adresse. Donc, du coup, click Nova. And collect, c'est qu'ils commandent. On commande sur Internet. On a retravaillé notre logiciel de réservation en click and collect. Ça, c'est super. Ça nous a permis de pouvoir proposer les meilleurs plats à l'heure actuelle et pas se faire oublier. Voilà. Pour l'instant, on ne fait pas les brunchs. On va sûrement en faire dès qu'on va pouvoir réouvrir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram, Facebook qui nous demandent quand est-ce qu'on réouvre sur les brunchs. Ouais. Ça ne va pas tarder, mais on va prendre le temps, parce que je pense qu'avant toute chose, il faut prendre le temps de réfléchir comment on va livrer tout cela. Comme nos brunchs, vous savez, les filles sont quand même assez conséquents. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve tous les bons petits emballages pour mettre tout ça dedans. Et du coup, justement, parlons réouverture. Alors, est-ce qu'il y a des dates officielles ? Nous, on avait entendu des petites rumeurs, comme quoi le 2 juin... La rumeur, c'est le 2 juin, c'est ce qu'on nous a annoncé. Après, on est tous... on attend. On est, je pense que tous les restaurants... on va dire, qui ont une identité vraiment restaurant, un petit peu où on se pose, on prend le temps, on déguste, et qui n'ont pas cette vocation première de faire de l'emporter, on est obligé d'attendre un petit peu, de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir, et surtout comment on va pouvoir réouvrir. Mm-hmm. Parce que la date, c'est bien, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont nous imposer ? Parce qu'il y aura sûrement des obligations à avoir, et je le comprends. Déjà en termes d'hygiène. Voilà, en termes d'hygiène. Comme disait tout à l'heure la responsable de la tarteline, c'est quelque chose qui va se faire de soi. De toute façon, nous, restaurateurs, ça fait des années qu'on a des protocoles d'hygiène et on les suit à la carte. Et c'est ni plus ni moins le port du masque en plus, se désinfecter les mains. De toute façon, le lavage des mains est obligatoire. Donc oui, c'est des choses qu'on fait déjà d'habitude. La seule chose, c'est comment on va recevoir les clients, comment les espacer, parce que c'est ça la grande question, en fait. Hein, à l'heure actuelle, on a eu, encore une fois, des ouï-dire de dire que c'était 4 mètres carrés par personne, ce qui est énorme. Énorme parce que un petit restaurant pour les petits, voilà, complètement. Ils vont passer de place. Voilà. Comment on va espacer cela ? Est-ce qu'il va falloir mettre des plexiglas ? Je sais pas. Voilà, on attend un petit peu les consignes. Moi, je suis adhérent à l'UMI 38, qui est un regroupement de restaurateurs, hôteliers, cafetiers, discothèques, tous ces gens qui sont un petit peu dans l'entente, hein, finalement. Et ils nous envoient un petit peu au compte-gouttes par mail le maximum de ce qu'ils peuvent avoir en information. Le président de l'UMIH est souvent en relation avec les autorités pour savoir nous donner un petit peu des indices pour pouvoir réouvrir. Et donc on avait cette distanciation. Mmh. On avait, et je pense qu'il va avoir surtout le fait de ne pas pouvoir avoir de carte physique en main, comme les menus. Hein, voilà. Donc il va falloir qu'on se réinvente là-dessus, soit du digital. Ça, on le voit beaucoup passer sur les gens qui vont pouvoir commander un petit peu sur leur smartphone ou avoir directement la carte si on met un QR code quelque part dans le restaurant. Mm-hmm. Bon, voilà, on n'est pas obligé de tous se mettre au digital au prix. Hein. Une ardoise dans un mur, c'est faisable aussi. Nous, au restaurant, on a cette chance d'avoir un set de table pour nos menus. Donc, du coup, je pense que ça va être autorisé parce qu'un set de table, c'est jetable, c'est personnel. Donc, du coup, voilà. Donc, on est un petit peu dans l'attente. Ça nous fait réfléchir. Moi, je prends ce côté un petit peu positif. On a énormément travaillé sur notre reprise de restaurant pour... on a une nouvelle carte des brunchs qu'il va falloir venir tester, les filles. Hein. Ah, on sera là avec plaisir. Voilà. On va sûrement être obligé de faire des sacrifices sur certains jours d'ouverture. Ça, c'est... Pour moi, pour pouvoir accueillir les gens, il va falloir qu'on trouve comment bien les accueillir. Dans notre idée, alors c'est encore une idée, hein, ça va être pour moi une évidence, c'est que je pense que les gens qui vont vouloir venir bruncher, déjà un brunch, ça ne se prend pas en 10 minutes, hein, donc c'est forcément une réservation de 2 heures, un petit peu près. Ben, je pense qu'il va falloir vraiment réserver le restaurant où on voudra aller manger. Parce que pour moi, c'est une évidence de prendre le temps de dire bah tiens, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, bah tiens, on va au Magic Candy Bar, on va bruncher. C'est ça, il va falloir vraiment prendre beaucoup de mesures anticipées. On va prendre des mesures. De toute façon, à l'heure actuelle, si vous regardez bien, la vie nous fait qu'on est obligé de tout anticiper. On veut aller faire des courses, on anticipe. Mm-hmm. On veut aller au médecin, bah, là, il n'y a pas le choix. On veut aller au dentiste. Bah, on est obligé d'anticiper tout ça. Même les trains, maintenant, on veut prendre même le TER, il faut réserver. Donc du coup, je pense que ça, c'est un bon conseil à donner à nos auditeurs. C'est prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir refaire. Voilà, aller même un bar, je pense que ça va être important de peut-être, les bars, ça va être compliqué de réserver, mais de mais se dire, tiens, ce week-end, on fait ça, il faut prévenir. Ça va être un vrai rendez-vous. C'est vrai que nous, déjà, avec Colo, on a l'habitude de, en fait, on va dans la rue, on se dit, bah voilà, on va manger où, on mange à côté, etc. Là, il va falloir vraiment planifier les choses. Je pense qu'il va falloir planifier parce qu'on va être sur ça, j'en suis quasiment certain, on va être obligé de restreindre notre espace, ce qui est logique. Hein. J'ai ouï dire aussi pour les terrasses, est-ce qu'elles vont être rallongées? Les terrasses, on aimerait bien, pareil, c'est un projet qu'on a soumis avec l'UMIH à la métropole et à la mairie de Grenoble, de pouvoir avoir une petite extension de terrasse, au moins pour les beaux jours, pour se dire, voilà, c'est le déconfinement pour les restaurateurs, pour les cafetiers, pour les bars, pour ceux qui peuvent se le permettre, parce que malheureusement, il y a des restaurants qui n'ont pas trop la chance de pouvoir étendre leur terrasse, mais ceux qui vont pouvoir le faire, est-ce qu'on va pouvoir avoir le droit d'avoir un peu plus de terrasse pour au moins espacer un peu plus les tables? C'est la question. Voilà. Ça, on a soumis cette idée à la mairie de Grenoble. Voilà, on attend, pareil. On est dans l'attente. Et en termes de date officielle, tu me disais que peut-être demain, ça allait être annoncé. Logiquement, c'est le discours que devraient avoir les autorités demain. Je ne sais pas qui parle. Par contre, je n'ai pas regardé si c'est le Premier ministre qui parle. On l'attend. J'espère qu'il va vraiment nous donner des précisions. Et surtout, ce qu'on attend, c'est le jour de réouverture. Voilà. Ouais. Après, attention. Ce que je te disais tout à l'heure hors antenne, je pense que c'est pas parce que on nous autorise de réouvrir le 2 qu'il va falloir se précipiter sur une réouverture le 2. Nous, je te le dis d'avance, on réouvrira pas au moins avant mi-juin, je pense, parce que comme on ne sait pas les protocoles qui vont nous imposer, on veut vraiment privilégier la sécurité de nos clients, la sécurité de nos salariés, de bien travailler, de respecter l'ordre d'entrer, de sortir, de prendre le temps de, par exemple, une table réserve pour midi, elle a 2 heures, et ben à place de mettre la table à 14h qui suit, on la met à 14h15 pour vraiment que les gens ne se croisent pas. Je pense qu'il va falloir se réadapter. C'est un temps d'adaptation. Ouais, c'est un temps d'organisation. Je pense que il va falloir que aussi nos clients soient un petit peu patients sur le fait d'attendre, de on va essayer de faire le maximum, mais de toute façon, on n'attend que ça, de pouvoir dire, allez, ça y est, on est tout prêt. Tout le monde est pareil, voilà, exactement. On est dans les starting blocks, voilà. Bon, ben du coup, rendez-vous demain, donc j'espère qu'on a la date officielle. En tout cas, réseaux sociaux, on compte en tout cas sur vous, les filles, sur la radio, pour essayer le maximum de dire ça y est, on est libéré, ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, de trouver. Allez, Coco se met à chanter, blind test. Allez, c'est parti. Voilà. Donc en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Non, je vous en prie, merci et à vous les filles Nova de m'avoir invité. Toujours, Nova toujours à emporter. On a même réouvert avec un sens de circulation à l'intérieur. On n'autorise que deux personnes à l'intérieur. Dis-nous un peu ce que tu fais, qu'est-ce que tu prépares. Au Nova ? Ouais. Au Nova, que des bonnes choses. Hein. Vous connaissez les plats par cœur, les filles. Bah, nous, on connaît. Donc, le concept, en fait, du Nova m'est venu il y a 2-3 ans quand on a ouvert le concept. C'était de proposer un restaurant à destination rapide pour les gens du midi avec que des produits frais. Donc, c'est un bar à salade hein, où les gens ils vont pouvoir composer leur salade au gré de leurs envies. Ils vont pouvoir aussi composer leur burger, leur sandwich. En fonction des saisons, on a aussi les ravioles, les petits desserts à la maison, les jus que vous avez eu l'occasion de... Oui, sous les yeux d'ailleurs. Wow. C'est bon. Un grand merci d'ailleurs. Un rafraîchissement avec la chaleur, ça fait du pas bien. Mal. Ouais. Voilà. Les jus frais et voilà. Et on a mis en place, et ça je trouve ça vraiment formidable, ça nous a permis de le mettre en place rapidement, cette histoire de click and collect. Alors, le snack, on l'a appelé le cliquer et emporter. Donc, c'est-à-dire que le matin, tu vas au boulot, tu te dis, allez, j'emporte pas mon casse-dalle, j'ai pas forcément envie de faire la queue parce que ben c'est pas super sécurité en ce moment ou autre. Hein. Il n'y a pas que la raison de où t'as pas le temps, tout simplement. Et ben tu vas sur le site du Nova, tu sélectionnes le cliquer et emporter et tu composes toi-même ta salade, ton sandwich, ben, ce qui te fait envie, en fait. Hein. Voilà, et on a plein de bonnes choses avec des produits de la région. Et on se fait envie, vraiment là. Plaisir. Bah, je vous ai pas emmené de salade, les filles. Bon, hein, on va faire l'émission plus tôt la prochaine. Bon, en tout cas, ça nous a bien mis l'eau à la bouche. Donc, rendez-vous sur Alsace-Lorraine si jamais Alsace vous voulez tester. Voilà. Donc, j'espère très, très bien vite au 34 cours Jean Jaurès voilà. Pour vous accueillir, pour bruncher et passer avec de plaisir. Très bons moments. Et rendez-vous demain pour la décision, donc on verra bah ouais, bien comment ouais. ça merci se passe. Merci en tout cas les filles de m'avoir invité. Et ben merci à Aymeric. Merci à toi ouais, d'être venu et en tout cas, je te plaisir. Souhaite vraiment bon courage pour la suite. Je merci. Sais que c'est vraiment pas facile bah, pour personne. Hein. Non, et d'ailleurs, on pense vraiment on bien à tous les commerçants, que ce soit les bars, les restos, les c'est petites ça. Boutiques. Ceux encore fermés. Ceux qui sont fermés, ceux qui ne savent pas, qui sont dans le flou. Vraiment, on est avec vous tous et on croise les doigts pour que bientôt on en sache plus. Et qu'on puisse revenir vous faire un coucou à tous aussi. En toute sécurité. Et je pense notamment, pour revenir dessus, à ce qu'avait dit Nicolas de la pharmacie Championnet, au fait que, bah, en fait, on s'est vraiment installé dans une routine pour certaines personnes et ça va être très dur de sortir de cette routine pour ces personnes. C'est ça. Il y aura vraiment, je pense, deux types de personnes, celles qui sont qui ont un peu plus peur, qui vont prendre leur temps et d'autres qui vont vouloir vraiment reprendre leurs habitudes. À avoir dans les fils. Complètement, ouais. C'est pas facile à gérer. Pour avoir été enfermé pendant 2 mois, le fait d'être isolé, de voir personne et du jour au lendemain, de devoir reprendre ses habitudes, de devoir retravailler, de voir plein de gens d'un coup, j'avoue que mentalement, c'est quand même compliqué et qu'il faut se remettre dedans. Et je pense que du coup, il faut vraiment pas se précipiter et prendre le temps parce qu'on peut vite vriller dans sa tête. C'est clair. Ça. C'est clair. Tout va se faire petit à petit de toute façon. En tout cas, merci pour cette chronique, les filles. Et merci encore à toi, Jocelyn, pour nous avoir fait partager ton expérience. Un dernier petit mot ? Alors moi, je veux faire un petit mot et un gros bisou à un petit Hugo qui doit m'écouter dans sa voiture et je lui avais promis que je lui ferais des bisous. Bisous. Bonjour, Hugo. Et voilà, moi, je te fais une grosse dédicace, Hugo, même si, à mon avis, ça doit avoir moins d'importance pour toi. Et bah écoute, merci à vous deux. Ah non, vous avez un petit jeu concours, je crois. Bah oui, donc sur Grown-up Foodie, sur l'Instagram, chaque semaine, tous les lundis, on lance un concours d'une semaine. Donc allez sur notre page, on fait un petit concours avec Cuisine en Maison. Et il y a de quoi se régaler à gagner. Ouh, c'est pas français. Il y a de quoi se régaler. Il y a de quoi se régaler. Allez jouer. Mais du coup, donc, le concours, il démarre le lundi et il se termine le vendredi. Dimanche. Le dimanche. Le dimanche. D'accord, ouais, 7 jours sur 7 sur Grown-up Foodie. Il a encore temps de jouer. Ça arrive et tout. Coco, elle fait des rimes, elle chante. Voilà, aujourd'hui, le soleil me va bien. C'est parfait. Alors, du coup, on se retrouve quand, nous ? Dans 15 jours. Dans 15 jours. Et on va parler de quoi ? On ne sait pas encore. Bah, je pense qu'on restera encore dans le thème. On a envie de mettre beaucoup en avant les commerçants avec tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est important. Et d'ici là, on aura des nouvelles. Hein. Et d'ici là, on en saura plus, oui, j'espère. On saura. Donc, on pourra vous tenir informés au mieux de toutes ces histoires. C'est ça. Exactement. Merci à toi en tout cas. Eh ben merci, au plaisir encore. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver en studio. On va toucher à la fin de notre petite chronique. On va repartir en musique sur News FM avec un petit baguette magique de Hotik en featuring avec Medine. Restez branchés. Très bonne soirée à vous les filles et à toi Jocelyn. Merci. Très bientôt. Et à bientôt. Ciao. Ciao. News FM.